Le rap, je suis dedans, j'ai des dents, mon mic a goulé le gars. Les gars, je pense tout que je suis un gars de la rue, peu élégant. Je suis pas pressé, j'ai le temps, que des temps pleins, pas de mi-temps. Si ça suit le trou, pas, il me reste plus qu'à compter les moutons. Je décuse même pas le bouton, je donne les contacts sur le bottin. Le sud me donne des mots têtes, mais putain, je l'aime toujours autant. Je pense aux soucis le matin, non mais attends, avec ce que j'ai vécu, moi rien ne m'atteint. Tu m'aimes pas, papa, de la geek, tu es un trait, t'as fait la geek. J'écris souvent, mais je m'applique. Je fais du rap, c'est contre la vie, qu'on vit dans un monde de dingue. Le petit porte le flingue, où ça tue, j'ai des fringues. Ça se met sous moi, j'dans les bringues. Vas-y fais tourner la bombe, on va tout niquer par le dos. On va faire trembler le vélodrome. Pourquoi ils me font les capones, que des histoires bidons. Que tu m'étales, fais faire la prise de hip-hop. T'as raison que c'est mauvais, ça dit prochain virage j'y pense. Que ça parle aux traites, moi je dis rien mais j'y pense. J'crie un gros liberta, pour ceux dans la merda. Pour ceux qui changent pas d'équipe comme deux slips qui trahit pas l'omerta. Moi j'suis comme Ragnar, ouais, j'écule même la guerta. C'est bien de créer des guerres, ouais, jusqu'au jour où la guerre t'a. C'est grave quand même, t'oublies qui était là dans la mer, gros. Et je te dis réellement ce que je pense le jour où je bois le verre, gros. Là je me donne à fond, même si j'ai pas trop la femme. Quand je sais pas, je me la ferme. Pour le taf, ça met la femme. Des bêtises, tout le temps fait la diff, sans parler négatif. M'en foutant que méga kiff, les gars, qu'est-ce qu'il y a voulu les m'tes, venez à 10. Même parasite, même ton paradis. Et toi, tu dis qui remixe les histoires avec des homadis affirmatifs. J'suis moins émotif et j'donnerai pas de motif. J'suis pas mal fautif quand j'vois des mauvais comme dans les notifs. Et mon petit, tomberai pas du ciel, la peur de Zanotti. Tu te bats tout le temps, mais t'as des habits, t'es nourri, t'es bien loti. J'fais mes bails, laissez-moi là, laissez-moi là. J'fais mes bails, laissez-moi là, laissez-moi là. J'fais mes bails, laissez-moi là, laissez-moi là. J'fais mes bails, laissez-moi là, laissez-moi là. En vacances, ça dégueule, ça veut des petits tailles. N'importe quelle fois, grande ou petite taille. Ce soir, je suis loin de vous dire goodbye. Je fais le mélange dans la petite aile. J'prends ma console et j'm'entends crap vers la capitale. Faut que j'investisse dans la bière. Faut que j'fasse grossir mon capital. J'ai la tête dans les nuages et j'trouve plus ma carte vitale. J'aime tout le monde, que tu sois noir, j'suis encore ça pour Ital. Ce qui m'embête, je gambasse quand j'suis au jol. J'suis un homme, ouais, j'écoute ma main quand elle m'engueule. J'suis resté le même gars, donc j'ai jamais joué un rôle. Quand je sais pas, je parle pas, j'peux faire fermer ma gueule. Je m'en vais, je m'en vais. Tu t'en fais. J'ai plus à m'emboucader. J'ai plus à côtoyer le danger. Fais tirer des beaux caramels. Mais tu fais rien qu'à peine. J'prends l'outil, j'déboule la balle. Mais j'aime pas trop quand tu fais la paix. J'fais mes bails, laissez-moi là, laissez-moi là. J'fais mes bails, laissez-moi là, laissez-moi là. J'fais mes bails, laissez-moi là, laissez-moi là. J'fais mes bails, laissez-moi là, laissez-moi là. En vacances, ça dégueule, ça veut des petites tailles. N'importe quelle fois, grande ou petite taille. Ce soir, je suis loin de vous dire goodbye. Je fais le mélange dans la petite aile. J'ai pas mis dit, tu en dépais. Mais je te console, je tiens des peu. Là, je vais rien faire tout l'été. J'prends la tête à faire la fête.